Je ramasse les chaussures et les chaussettes des enfants. Le saumon et la sardine sont des poissons. La pamplemousse et le cassis sont des fruits. Cinq coussins sont dans le salon.